Bonjour amis auditeurs, auditrices de la radio et Sanganero, bienvenue à l'écoute de cette édition dont voici les titres. Les agents de Econet Léo qui font le transfert électronique ont siégé le bureau de cet office. Ils réclament leur argent qui se trouve sur leur compte mobile. Et en réaction, l'Observatoire de lutte contre les malversations économiques, Olucom, trouve que cet arrêt de cette activité constitue une perte pour le Burundi. Gabriel Ofiri, président de l'Olucom, demande à l'État de faire une analyse des compagnies de téléphonie mobile pour la situation qu'elle traverse. Et désormais, dès aujourd'hui, mardi le 31 janvier 2023, les clients des hôtels vont payer en devise. C'est une politique qui est mise en place par le ministère burundais de Finances. Et la chronique santé de ce mardi, vous avez l'habitude, on vous parlera de l'enfant, les préparatifs pour marcher. Voilà pour les titres et bienvenue pour les détails. François Akimana assure la mise en onde. Moïse Misago suit à la présentation. L'audio, nous vous disons bienvenue. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Je vous le disais tantôt, les agents d'Econet Léo qui font le transfert d'argent par téléphone mobile de l'agence Econet Léo disent que c'est une grande perte pour ces agents et leurs clients. Ces derniers sont venus ce matin mardi au siège de la société Econet Léo pour demander leur somme d'argent qui sont dans leur téléphone mobile. Ils demandent au gouvernement de voir comment trouver solution à ce problème. Et en réaction, l'Observatoire de lutte contre les malversations économiques, Olucom, la suspension des transferts électroniques des agents Econet Léo est une perte énorme pour le pays. Gabriel Ufiri, président de cet observatoire, souhaite que la population ne soit pas victime. Les principales ressources des taxes de l'État figurent entre autres sur le secteur des télécommunications. Secteur pétrolier, sans oublier le domaine des boissons, où ces secteurs, ce sont des principaux domaines où l'État tire beaucoup de moyens. S'il adviendrait que cette situation continue de cette manière-là, les risques sont énormes, que l'économie quand même burundaise, qui était déjà moribonde, comme vous le savez, risque quand même de souffrir beaucoup. Et cette organisation de la société civile souhaite qu'il y ait des études approfondies pour analyser le problème qui hante le secteur des compagnies de téléphonie mobile. Gabriel Ufiri trouve que cette situation constitue un défi pour l'économie du pays. L'Olicom voit qu'il y a un grand défi, un grand problème aussi au niveau de la gestion des sociétés, tant publiques que privées. Donc ici, je voudrais vous rappeler les sociétés Africell, Smart, qui ont fermé, je dirais même, si vous voulez, tombé en faillite, en termes clairs, mais aussi, je rappelle aussi la société Léo, qui était quand même une société employée beaucoup de gens, mais aussi ici, je rappelle la société Econet Léo, sa situation aujourd'hui, sans oublier bien évidemment la société publique Ronatel, que tout le monde connaît, sa santé financière. D'abord, il y a le personnel qui y travaillait et qui y travaille dans certaines sociétés. Il y a aussi les impôts et taxes de l'État. Vous savez que la plupart de ces sociétés actuellement disposent d'un service de transfert d'argent, un service qui emploie quand même pas mal de gens actuellement, pas mal de jeunes, mais aujourd'hui, ils se trouvent dans une situation où ces employés ne peuvent plus travailler suite à la décision qui a été prise par l'OBR, l'Office burundais des recettes, d'où il y a nécessité quand même que le gouvernement puisse arranger tout. C'est vrai, il faut que le gouvernement ait son argent, mais aussi il faut que ces citoyens qui ne savent rien dans cette affaire puissent continuer à travailler ou avoir les réduits. Donc, nous voyons vraiment que le secteur économique risque d'avoir des problèmes suite à cette mauvaise gestion des sociétés publiques et privées. Pour nous, les pertes sont énormes, mais raison pour laquelle il faut vraiment une étude minutieuse pour vérifier, pour voir comment vraiment arranger les choses. Sinon, ça sera vraiment un grand problème à son niveau. Merci. Poursuivons cette édition. Les États-Unis d'Amérique ont promis un appui au gouvernement burundais dans le secteur agricole lors d'une audience accordée par le Premier ministre burundais à l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique au Burundi ce mardi. Melanie Higgins révèle que c'est un projet qui va améliorer les conditions des agriculteurs pour accroître la production. Le Premier ministre a ses priorités, les priorités du gouvernement et les priorités de son Excellence le Président. Nous avons discuté beaucoup du sujet de l'agriculture, qui est une priorité particulièrement pour son Excellence le Président. Le Premier ministre a partagé les moyens dans lesquels le gouvernement essaie d'aider les petits cultivateurs ici au Burundi. Et j'ai répondu en donnant de l'information concernant notre assistance, car cette année, les États-Unis vont commencer de nouveaux projets, tous les deux, sauf dans le secteur de l'agriculture. La première, c'est un projet de notre département d'agriculture qui s'appelle l'alimentation pour le progrès. Avec ce programme, les États-Unis vont s'appuyer les petits cultivateurs pour qu'ils puissent recevoir une récolte qui est meilleure qu'auparavant. Le deuxième projet, c'est un projet de la cantine scolaire, où il y aura de l'alimentation et des importations des États-Unis, mais aussi l'alimentation qui sera achetée localement. Ce projet sera dans la province de Rouidi et je suis tellement content que ce deux projets sera parmi l'assistance des États-Unis ici au Burundi. Bien sûr, le Premier ministre et moi, nous avons discuté d'autres sujets. J'ai félicité le gouvernement concernant les États pour lutter contre la traite des êtres humains. Je suis sûre que vous le sachiez tous qu'il y a un comité pour la lutte contre la traite des êtres humains qui a commencé à faire du bon progrès ici au Burundi. Ça, c'est dans le domaine des droits de l'homme et la bonne gouvernance. Tout sont des priorités du gouvernement et même des priorités de mon gouvernement. J'ai aussi eu l'occasion de partager avec Son Excellence, le Premier ministre, d'autres formes d'assistance des États-Unis. Peut-être vous le sachiez déjà, mais les États-Unis prévoient d'avoir de donner 100 millions de dollars bilatéraux au Burundi cette année. Parmi les nouveaux projets que j'ai mentionnés au Son Excellence le Premier ministre, c'était un projet pour la formation des mainteneurs de paix du Burundi. Je le note car c'est la première fois dans cette année que les États-Unis vont recommencer notre formation avec le militaire burundais, particulièrement les mainteneurs de paix en Somalie. Je vous le disais en titre, les hôtels doivent recevoir les frais de logement en devise en vue de faciliter la disponibilité de la monnaie étrangère au Burundi. C'est une politique à mettre en vigueur de ce mardi 31 janvier 2023, précisant que le mois de février sera le mois témoin de la mise en application de cette politique. Lors d'une réunion avec les responsables des hôtels et lieux touristiques ce mardi, Audace Nyonzima, ministre burundais des Finances, expliquait que cette politique nationale de tourisme stabilisera le taux de change en mettant les devises dans le circuit bancaire. Les participants demandent une note de facilitation entre l'hôtel et le client. Suivez Audace Nyonzima et ministre burundais des Finances. Il était question de rappeler aux propriétaires, aux gestionnaires d'hôtels qu'ils doivent afficher les tarifs en devises pour les voyageurs étrangers, collecter les recettes en devises et surtout les verser sur les comptes dans les banques et non pas les conserver dans leur coffre pour permettre la liquidité en devises auprès des banques. Donc c'était ce rappel qui est prévu dans la disposition de la réglementation de change mais qui n'était pas appliqué comme tel. Les opérateurs demandent une note d'accompagnement pour faciliter la compréhension entre l'hôtel et le client. Est-ce possible? La note ou une ordonnance, ce n'est pas nécessaire, étant donné que c'est déjà prévu dans la réglementation de change. Donc, il est question simplement d'appliquer la réglementation de change. Mais si c'est une précision qui est nécessaire, il y a le ministre en charge du tourisme qui va leur donner les précisions. Mais sinon, c'est juste mettre en application les dispositions de la réglementation de change. Oui, les défis sont là. Il y a une sorte de rareté artificielle de devises parce que les détenteurs de devises cherchent à les conserver par devers eux-mêmes. Alors, en conservant les devises dans les coffres, on thésaurise la liquidité en devises et ça ne permet pas la gestion appropriée des devises. Donc, c'était ça le défi, de ne pas être spontané à déposer ces recettes en devises dans les banques pour permettre l'usage approprié de ces devises. plutôt que de les conserver dans les coffres de ceux qui rendent le service, qui génèrent les devises. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. À 13h06, poursuivons cette édition. Une amende de 200 000 francs burundais ou 6 mois de prison ferme en cas de non-paiement de cette amende ou la payer au terme de 6 mois pour obtenir la libération. Tel est le jugement prononcé le soir de ce lundi contre 3 vendeurs des débuts de boissons Brarudi poursuivis pour non-respect des prises officielles sur ces produits ce dimanche en commune et province de Lumonge. C'était lors d'une audience publique du tribunal de grande instance de Lumonge siégeant en matière de flagrance. Cette décision du tribunal n'exclut pas la mesure administrative de rayer définitivement de la liste des vendeurs des produits Brarudi des propriétaires de ces trois bistrots, selon Léonard Niyonsaba, gouverneur de Lumonge. Restons toujours dans cette province du sud-ouest du pays, cette fois-ci pour parler de la vulgarisation du Cordia Africana au Mvugangoma en Kirundi est la seule solution pour faire face au manque criant de cette essence végétale utilisée dans la fabrication des tambours au Burundi. Ezeke Nibigira, ministre burundais ayant le sport et la culture dans ses attributions, le dit en réaction à la demande du représentant des tambouriniers de la province de Lumonge d'obtenir gratuitement la coupe d'un tel arbre pour réhabiliter les tambours actuellement en mauvais état. Pour ce ministre, le propriétaire de cet arbre a lui aussi besoin de l'argent pour subvenir à ses besoins, n'est-ce pas, Jean-Pierre Misago? Selon Alexis Minani, représentant provincial de la troupe des tambourinaires de Lumonge, ce groupe devrait avoir l'autorisation d'abattre le Cordia Africana, même repéré dans une propriété privée, afin de réhabiliter ce patrimoine mondial dans une extrême vétusité en province Lumonge. En réaction à cette proposition, Ezekiel Nibigira, ministre burundais ayant les sports et la culture dans ses attributions, dit que tout Cordia Africana repéré doit être acheté à son propriétaire. Dans le cas contraire, il y a risque que ces espèces végétales soient détruites, ce qui aggraverait le manque de cette espèce très recherchée dans la fabrication des tambours. La solution durable à ce problème, selon son ministre, est la vulgarisation de cette espèce sur toute l'étendue du Burundi. Le ministre Nibigira donne un délai n'excédant pas 3 mois à la direction générale concernée par cette question dans son ministère pour avoir aménagé un champ de cette essence végétale en guise d'exemple pour ensuite étendre ce projet sur tout le territoire burundais. Jean-Pierre Misago depuis Lumonge, Radio Isanganiro. Merci Jean-Pierre Misago, Lumonge Cap, sur Chibitoke, un peu au nord-ouest du Burundi, où le niveau du cours de français a diminué et certains chapitres ont été rayés dans le cours de Kirundi dans le système d'enseignement secondaire. Ceci a été dit ce lundi par certains participants à la réunion du ministre ayant l'éducation dans ses attributions à l'endroit de ceux qui œuvrent dans le domaine de l'éducation. Le ministre François Abdialima a indiqué que le niveau du français a baissé suite à la crise qu'a connu le Burundi. Concernant le Kirundi, le ministre a indiqué qu'il y a des experts qui sont à l'œuvre pour réadapter le contenu de ce cours. Alexis Ndaragidje. Le niveau du français a baissé dans les écoles secondaires. Certaines parties du cours de Kirundi ont été rayées des chapitres du cours dans le système éducatif burundais. Ceci est du ressort de certains participants dans la réunion tenue ce lundi en commune Bukinanyana de la province de Bitoke par le ministre ayant l'éducation dans ses attributions à l'endroit de certains acteurs de l'éducation. Ces participants ont demandé que le niveau de ces deux langues soit relevé et que les élèves faisant la section des langues aient le droit de fréquenter les écoles à régime d'internat étant à l'internat. Le ministre François Abdialimana a indiqué que son niveau du français a chuté suite à la crise politico-sécuritaire qu'a connu le Burundi, tout en demandant aux enseignants de ce cours d'augmenter la force pour relever son niveau. Concernant le Kirundi, il a précisé que des consultants sont à l'œuvre pour revoir le contenu de son cours, mais tout en demandant à tout un chacun qui peut contribuer à approcher ces consultants. Pour ceux qui ont demandé que les élèves fréquentent la section des langues soit logée à l'internat comme ceux qui font les sciences, le ministre François Habyarimana a indiqué que le gouvernement burundais n'a pas de fonds pour payer les besoins à l'internat pour les élèves faisant les langues dans les écoles à régime d'internat, tout en demandant aux parents ayant des moyens de payer l'internat privé. Depuis Chibitoke, Alexine Dairagije, Radio Isanganiro. Radio Isanganiro, chronique santé. L'enfant se prépare à marcher depuis qu'il est tout petit et le met en exécution dès qu'il trouve qu'il peut essayer. Le psychologue spécialiste de l'éducation et responsable de la clinique de l'éducation, Alexis Ndaziguié, explique que souvent l'enfant marche à sa façon avec l'objectif de toucher différents objets par curiosité. Alors, si l'enfant a été banni dans tout ce processus de développement, cela affecte sa santé mentale et à la longue, il se sent moins épanoui. La chronique santé avec Ornella Mucho. À partir du sixième mois, l'enfant commence à toucher des objets pour tenter de répondre à un besoin et de développer sa curiosité. Le psychologue spécialiste de l'éducation et responsable de la clinique de l'éducation, Alexis Ndaziguié, conseille les parents à accompagner ses enfants sans pression et sans les brusquer. Si l'enfant commence par exemple à chercher à toucher un objet, il faut l'accompagner jusqu'à l'atteindre. Sinon, il y a des enfants dont leurs projets sont de toucher, d'améliorer les connaissances, sont avortés. Dans ce cas, ces enfants sont, à un certain moment, ils sont frustrés et puis l'estime de soi va dégrader. Ils vont voir que leur projet n'est pas apprécié par un adulte. Et puis, le sens d'initiative va être réduit parce que lui, il voit que tout ce que je vais faire, je pense que l'adulte ne va pas apprécier ça. Dans ce cas, il va laisser, il va inhiber toute volonté de faire quelque chose. Les répercussions à court et à long terme associées à la négligence sont à l'origine des troubles psychologiques de l'enfant. Et puis, c'est une frustration qui est en train d'être accumulée dans sa conscience. Et par après, cette frustration, pendant l'adolescence, va développer d'autres comportements de révolte. Parce qu'elle savait que la période d'adolescence, c'est une période où l'enfant a besoin d'une indépendance. S'il a vu qu'il a été rabaissé depuis son enfance, il va chercher à se révolter contre tout conseil ou toute initiative ou toute volonté parentale. Le développement de l'autonomie chez les enfants est progressif. Alors, il est important que les parents accompagnent leurs enfants à tout âge pour une meilleure santé mentale. Le parent, qu'est-ce qu'il devrait faire? Il devrait comprendre que d'abord, échanger avec un enfant, ça doit être inscrit dans son agenda de tous les jours. C'est-à-dire, du lundi à dimanche, le parent devrait prévoir un moment d'échange avec ses enfants, un moment de voir, de comprendre son enfant, d'écouter, d'observer toutes les doléances de ses enfants. Et puis aussi, l'enfant, dans ce cas, dans son intérieur, il va intérioriser que chaque soir, il a un bon moment d'échanger avec les enfants. Mais il y a des enfants même qui pourront, parce qu'ils ne sont pas habitués à échanger avec les parents, qui rencontrent des difficultés, mais n'osent pas exprimer cette violence devant ses parents parce qu'ils ne sont pas habitués. C'est le fait d'écouter l'enfant, permettre à l'enfant d'être ouvert envers son parent, envers l'entourage et aussi de trouver un confort, d'en trouver l'empathie parentale. Si un parent a tout essayé et que l'enfant reste difficile, le psychologue affirme que ses enfants ont besoin d'une aide extérieure, donc l'intervention des spécialistes pour le bien-être mental de ses enfants. Merci Ornella Mucho et au psychologue et spécialiste de l'éducation Alexis Ndaziguié. Ainsi se referme ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci à François Hakima Akimana qui était à la manette édition. Le programme continue sur Isanganiro. Gardez l'écoute. Au revoir.